7 et 8, alors que je m'aperçois que mon micro a à nouveau un filtre anti-pop, alors que vous, non. Par contre, ouais, vos micros, ils marchent pas. Ça marche pas ? Si, ça va. Et bien, comme d'habitude, c'est le bordel, c'est Pyongyang City Rockers qui recommence après presque un mois et demi d'absence. Je m'entends dans un fond de... Ouais, c'est marrant, j'ai l'impression d'être au fond d'un tuyau. Il y a un tuyau, non, je suis tout prêt. Bonjour micro. Bon allez. Et donc ouais, c'est Pyongyang qui recommence pour son 417e numéro, premier de l'année 2026. Ouais, c'est ça. Il y a toute une pléiade de vedettes et de fans aussi qui nous attendent dehors dans le couloir en sirotant des bières alors qu'on ne peut toujours pas boire dans le studio de Radio Campus. Ce soir, nous sommes donc tous les trois et il y aura du monde après qui va venir passer de la musique en plus. Tous les trois, donc il s'agit de Célia. Salut. Et Henry. Salut, ça va Stéphane ? Ouais, moi ça va, mais alors franchement là, les micros, bah je sais pas, ouais peut-être. On va changer, ouais. Bon, on va faire ça après. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer un truc qui va dire à quel point cet endroit où nous avons posé notre studio n'est pas vraiment fréquentable. Il s'agit de Uncommon Men from Mars, un truc qui est sorti il y a presque 20 ans maintenant sur un de leurs albums. Là, ils me faisaient un truc qui était quasiment du psychobilly et ça s'appelle This Place is Infected. C'est vraiment dédié au nouveau studio de Radio Campus, à la MDE, maison des étudiants, à la cité scientifique de Villeneuve-d'Ascq. Bonsoir, et si vous voulez nous dire bonjour, vous pouvez, on est au premier étage. Uncommon Men from Mars. Je pense que là on a changé de micro parce que on essaye, yes. Tout. Ah, ça a l'air de marcher un petit peu mieux, oui. Ouais, trop bien. Magnifique. Du coup, c'est à moi. Bon, je m'excuse pour ma voix parce que c'est pas non, le top. Non, faut pas encore. Le dire, on n'a pas entendu. moi, pour cette reprise, je ramène du tout frais qui va faire plaisir à tout le monde. C'est le nouvel album de Youth Avoider. Il s'appelle Défiance et il est sorti la semaine dernière chez Destructure Records. J'ai eu du mal à choisir un seul morceau, du coup je vais en passer deux. Ça fait quand même déjà 8 ans qu'ils ont sorti leur dernier album, le Relentless. Quelle bande de feignasses. Il y a eu le Covid, changement de line-up, et puis des concerts et d'autres trucs, la vie, quoi. Et bah, du coup, j'ai quand même hâte qu'ils repassent dans le coin, parce que c'est toujours cool de les voir en concert. Et demain, il y a leur release party à Paris, mais il y a Short Days et Vacarme avec eux. Ah, oui, bon. Short Days, bien. C'est ça. Voilà. Et donc, on va écouter Endless Fight et No Medal for Failure de Youth Avoider. We'll be right back. Ouais, c'est vrai, il veut faire le jeune. Hein. Enfin, je dis ça, vous écoutez, et puis on vient que c'est Rockers, numéro 417, et voici Henri qui va présenter encore un truc dont il a le secret. Je connais son nom. D'ailleurs, tout ce que t'as préparé ce soir, sauf un truc, je connais pas du tout. Je fais un peu le tour des trucs sortis l'année dernière que j'ai pas eu l'occasion de passer grâce à mon manque de venue. J'ai du mal à trouver mes mots. D'assiduité. Je vais plutôt lire mes notes. Donc on va parler de Barren Soils avec All Passes Lead to Darkness. Donc j'avais pas souvenir d'avoir écouté l'album qui était sorti en 2021. Mais là, trois titres, ce serait dommage de passer à côté. Il y a le tag post-punk, parmi le reste des tags crust, ce qui a un peu piqué ma curiosité. Honnêtement, ça a plus un son death rock que post-punk, peut-être ça se rejoint. Bref, c'est un peu gothique. Ouais, c'est ça, quand t'additionnes post-punk et crust, ça donne du death rock. Ça se tient. Ouais. Écoute, ils ont fait ça plutôt cool. Ou du stench, peut-être. Ouais, boss. Écoute, là, d'autant plus, je tiens à dire que l'artwork est fait par Wombat, donc il fait tous les artworks de Peace of Mind New York City. Mmh. Et vous pouvez aussi retrouver ses jolis dessins sur les murs dans le Réveil Forcé numéro 3. Ah ouais, Pierrock, d'accord. Bah oui. On a parlé dans Pyongyang City Rocker. Bref, un disque avec une pure intro, c'est épique, amébix, tragédie, pensez à ce que vous voulez, c'est mélodique et c'est crust. On va s'écouter la deuxième piste, c'est metal ce qui se passe, c'est spatialisé, j'ai envie de dire. Donc ce sera All Passes Lead to Darkness. Crust. Ouais, on disait que c'était fini, quoi. Le premier blanc de l'année, c'est bien, ça. Ouais, bah attends, moi, je suis spécialiste des blancs. Hein, voilà. Donc, et ce soir, nous avons un invité. C'est pas la première fois que tu parles dans les micros d'Arrive de Campus. Par contre, c'est la première fois que tu parles dans les micros ici, à la MDE. C'est Marius. Bonsoir. Salut. D'abord, on va commencer par te présenter. Tu fais une émission sur Radio Campus. Ouais. Attends, par contre, il faudrait que je te mette ton micro, sinon ça va pas. Ouais. Salut Marius. Voilà. Avec du monde, on fait une émission mensuelle théoriquement, en ce moment plus régulière. Ouais. C'est normal. Qui s'appelle Erotopia et qui est diffusée du coup le mercredi à minuit, jeudi à 0h, comme vous voulez, et où on fait des collages littéraires où globalement on lit de la socio et du porno à la radio. Voilà, pour parler d'érotisme et de politique et de questionner nos imaginaires de cul. D'accord. Et la prochaine, c'est quand ? On n'a pas réussi à faire notre entrée encore, donc... Non, mais c'est normal, le studio n'était plus là. Donc forcément, on ne pouvait rien faire. Oui, hein. Puis les animateurs non plus n'étaient plus là. Ok, bah, ils vont revenir là. Oui. Bon, donc surveillez sur, bah, par exemple sur le site de Campus, campusil.com. Normalement, un jour ou l'autre, il y aura du Hérotopia quelque part qui arrivera. Ouais. Normalement, c'est le combientième mercredi? Normalement, c'est le premier mercredi du mois. Ouais, bah t'as encore 3 semaines pour te dessiner là. Ouais. Et puis sinon, ouais, je t'avais invité parce que t'avais des choses à dire sur une exposition qui a lieu en ce moment dans un lieu très très prisé de la grande culture du Nord-Pas-de-Calais et même de France. C'est au Louvre-Lens. Ouais. C'est ça ? Bah, j'y passais dimanche. Ça me donnait envie d'aller voir l'exposition du coup gothique au Louvre-Lens. Qui a une accroche assez prometteuse de dire on va du Moyen-Âge jusqu'à la scène underground. Ouais. En fait, si vous voulez voir la scène underground, n'allez pas dans l'expo. Merde, putain, justement, je voulais y aller pour ça. pas du tout. Underground, non. Okay. Y a une petite partie contemporaine, mais qui est déjà... où il n'y a pas grand-chose, mais le côté underground, genre... La grosse critique que j'ai sur l'expo, c'est que, bah, en même temps, c'est pour montrer les trucs du Louvre. Y a les deux tiers qui sont juste des statues médiévales d'art religieux. Donc, une fois que t'en as vu une, t'en as vu 10. À moins que tu sois passionné d'art religieux, ça vaut pas le coup. Au moins, elles sont gothiques. Ouais. Enfin, théoriquement. Oui. À moins qu'on veuille nous vendre des trucs pour du gothique, alors autre chose. Pour le coup, ça va, même si l'analyse est faite pour un public qui s'y connaît pas forcément. Mais... ça va être intéressant si c'est ça qui t'intéresse. Et la partie contemporaine est en fait vachement plus réduite. Il y a quelques trucs sympas. Il y a des artistes qui font des trucs qui s'inscrivent dans une esthétique gothique contemporaine qui valent le coup. Il y a quelques tableaux qui sont très cool. Il y a des trucs un peu trash quand même. Enfin voilà, c'est pas non plus chiant. Il y a quelques belles pièces. Ils ont osé mettre des trucs trash au Louvre. Ouais, il y a des pupilles, il y a des gens qui se pissent dans la bouche, ça va. Ah bon, ouais, c'est gothique. Et il y a une jolie period room, donc en gros une chambre d'ado-gosse reproduite avec des trucs qui effectivement vont parler aux gens qui ont eux-mêmes ou des potes qui sont un peu là-dedans, qui ont été là-dedans ado. Mais le côté underground des contemporains, il n'y a aucun artiste de la scène gosse actuelle qui est présenté. Ouais. C'est vraiment des artistes plasticiens qui s'influencent de trucs gosses historiques ou contemporains qui sont présentés et pas les artistes de la scène eux-mêmes. Et il y a des trucs qui datent quand même des années, je sais pas, 70, 80 ? Bah, pas grand-chose. Hein. Mais vraiment, en musique, c'est hyper décevant. Ouais, y a c'est quand même déjà vieux, cité, quoi, 70, 80, toi, tu vois. Bah ouais. Mais non, il y a un groupe qui est cité. En littérature, ça parle que du tout début quoi, de la littérature gothique. La dernière salle qui est censée être le vraiment maintenant, c'est des affiches et des pochettes de CD imprimées. Mais c'est genre Mylène Farmer, c'est pas... Ah ouais, bah elle est complètement gothique. Je suis désolé de te l'apprendre, mais... Voilà. Du coup, c'est vraiment des trucs qui ont une influence de l'esthétique plutôt gothique médiévale que vraiment genre la scène gothique elle-même. Du coup, j'ai passé un bon moment à me plaindre de l'expo. Il y avait quand même quelques trucs qui valaient le coup d'être d'ailleurs, vu. D'ailleurs, c'est grâce à ça que j'ai repéré que tu avais des trucs à dire là-dessus. C'est qu'en fait, tu t'en plaignais aussi sur un réseau social. Ouais. Il y a oh, bah, tiens. Non, puis en plus, du coup, j'y suis allé avec un pote gosse, forcément. Ouais. Et qui était bouleversé. Bah, qui, je pense, ne venait pas avec beaucoup plus d'attente que moi, mais qu'on était quand même déçus. Ouais. C'est gratos pour rentrer ? Non, c'est 12 balles. Ah ouais, quand même. Donc c'est encore une bonne raison de ne pas y aller. Ouais. On sait qui a préparé cette... on appelle ça commissaire, je crois. Ouais, non, j'ai pas regardé les noms et tout. En plus, après, on est allé voir le livre d'expo aussi, voir si jamais il y avait des analyses plus poussées ou d'autres trucs dans le catalogue qui étaient abordés. Et en fait, il y a des trucs où j'aurais pu écrire le truc mieux en n'étant pas payé pour. Ouais, mais fais-toi payer, je te le dis. Et parmi les tableaux que j'ai trouvé sympas, contemporains, y avait des trucs où vraiment l'analyse, enfin celui où je disais où il y a des pupilles et des gens qui se pissent dans la bouche, il n'y a pas une seule fois le mot pupille ou BDSM dans le catalogue. Ah ouais, mais là, ça, alors que c'est ça, vraiment ce qui est dessiné sur le tableau. C'est des mots qui sont haram, ça, pour l'instant on ne peut pas. Du coup, ça manque un peu. Et voilà, c'est. L'expo est très longue par rapport à la quantité de trucs vraiment jolis ou intéressants à voir. Ouais, et encore plus, enfin, c'est encore plus décevant sur l'aspect contemporain. C'est un peu embêtant. C'est même pas, ils auraient mis une artiste contemporaine à la fin, j'aurais dit c'est déjà ça. Là, le fait qu'il n'y ait même pas une personne de la scène goth française actuelle, alors qu'il se passe plein de trucs hyper intéressants dans cette scène, même actuellement, quoi, bah, ils ne sont pas allés au bout de leur... Enfin, quand ils disent du Moyen-Âge à aujourd'hui, on s'attend à voir un peu aujourd'hui. Ou peut-être qu'ils ne savaient pas, en fait, on ne sait pas. C'est comme d'ailleurs, il y a un concert donc, qui a lieu samedi sur la scène de Louvre-Lens. J'ignorais même qu'il y avait une salle de concert au Louvre-Lens, il y en a une. C'est samedi 17, donc samedi qui arrive. Donc ce concert s'appelle Gothmania. En dessous, c'est marqué en petit concert gothique au pluriel. Et il y a Cemetery Girls, Gare Froide, Hilder, que je ne connais pas, et Cantleux quand même, pour les gens du coin. Voilà. Et puis ça finira avec Brutal Beatnik. Donc bon, voilà, il y a au moins deux représentants de la scène locale, ce qui est une bonne chose. Par contre, juste avant, enfin non, à partir de 14h, ça commence par une conférence qui s'appelle Gothique, la vie en noir. Ouais, putain, moi aussi je suis habillé en noir si tu veux. bon, par quelqu'un qui s'appelle DJ Nash. Alors, quand tu regardes un petit peu cette personne, DJ Nash, c'est même pas quelqu'un du coin. Ils ont même pas recruté quelqu'un qui est du coin, alors que vraiment il y a une scène rien qu'en Nord-Pas-de-Calais qui est quand même conséquente. Ils sont allés recruter quelqu'un à Paris. Varum, et je ferai gueux Varum. Franchement, je sais pas. Donc j'ai l'impression que tout est fait un petit peu de manière superficielle, quoi. Là-dedans. Ouais, bah c'est l'impression que j'ai eue même en lisant les trucs. Même dans la partie historique, il y avait plein de trucs où je me disais, mais en fait, j'ai l'impression en ayant fait de l'histoire de l'art jusqu'au lycée, quoi, j'ai l'impression que j'en sais plus. Que je suis allé plus loin que ce qu'il y a sur certains encarts. C'est bien, ça donne l'impression qu'on est cultivé. Ouais, c'est ça. Ah ben, je vais y aller finalement. Mais c'est peut-être pas pour ça que je vais dans les trucs comme ça, là, me dire, mais je vais aller faire des recherches parce que je suis sûr de savoir un truc qui n'était pas marqué, plutôt que de me dire, j'ai appris un truc et j'ai envie d'en savoir plus. Ouais. C'est pas le sens dans lequel c'est censé marcher quand il y a des gens payés pour faire cette expo. Et au moins, l'expo, elle est plaisante à voir, je veux dire. C'est toujours le Louvre-Lens, donc ça reste un peu froid. La deuxième partie contemporaine est un petit peu plus fun, il y a un petit peu des couleurs, un petit peu de scénographie, il y a cette chambre qui est sympa, où en plus ça fait une pause pour les gamins qui ne peuvent plus voir des statues en pierre, ils peuvent lire des BD, des trucs comme ça. Il y a quand même il y a une bonne circulation, mais ce n'est pas non plus immersif comme on voit certaines expos ailleurs. Et voilà. Mais après, c'est bien qu'il y ait un concert, au moins... On ils ne sont pas sur les murs, mais au moins le Louvre-Lens sait qu'il y a des groupes qui existent et qui font de la musique. Trop bien. Et bien justement, on va en écouter un pour peut-être pousser les gens à y aller, vu qu'en plus, ça sera pas trop cher. Hein, le concert, c'est 5 ou 10 euros. Mais attention, on est obligé de réserver sur le site du louvrelance.fr/gothmania. Enfin bon, bref, et sans réservation, on ne peut pas rentrer. Attention, hein, après, il y a des vigiles qui vont te... Et voilà. Ceux qui veulent y aller, ils pourront écouter, entre autres, Cantleux, qu'on va pouvoir écouter ici, avec La Vie. Merci, Marius. Tu restes avec nous, parce que tout à l'heure, tu parleras encore d'autres petites choses. Pour l'instant, voici Cantleux. Oh, Ouais, tout ça c'est à moi. Oui, en plus on parlait du concert, mais de toute façon il est complet. Hein, on vient de vérifier. Voilà. Heureusement qu'il y a des fans là qui se pressent à la porte du studio pour dire mais t'es con Stéphane, c'est pas la peine de faire de la pub pour ce concert, il est déjà complet. Bah ouais, voilà, vous n'irez pas. Vous irez ailleurs, on en parlera tout à l'heure. Il y a plein de concerts qui ont lieu. Par exemple, je crois que c'est ce vendredi au bout de nos rêves, il y aura une petite petite soirée grind. Ok. Ouais. Bah oui, si. Alors avec, attendez, il faut que je vous le retrouve tout ça. C'est pour l'anniversaire du patron hein, du bout de nos rêves. Agora Amcro, Pierre. Voilà. Il faut juste que je le retrouve. On va y arriver. Et donc vendredi, il y aura Violent Encounter, Cumite Noise Terror. Je ne sais pas ce que c'est. Cumite Noise Terror. Ouais, KDG comité, et ouais. Potier. Un groupe qui s'appelle. Ouais. Et en d'accord. Comité Noise Terror, c'est des membres de KDG et puis le mec de. Ah, ok, d'accord. Je sais plus son label, le label de Noisecore belge, là. Je retrouverai. C'est pas Kraka Kids, bah, c'est Sick Folk. Ah, Sick Folk. Ah, ouais. Bah oui. En plus, c'est lui qui publie tout ça sur YouTube. Ah oui. voilà. Et donc, et aussi un goût qui s'appelle Potier, qui fait du entre black et grind. Bon. Et ça sera ce vendredi pour l'anniversaire de Pierre, au bout de nos rêves, prix libre. En plus, à partir de 20h environ. Et si tout va bien, eh bien, puisque c'est ainsi, je vous passe sans plus attendre un petit titre de KDG tiré de leur. Leur démo d'il y a au moins 5 ans. Ouais. Et depuis, ils n'ont rien produit. Non. Si tu veux trouver du KDG, tu es obligé de te farcir des trucs live tout pourris. Du BNR. Du BNR, des fois. Enfin, pas que au BNR, des fois, il y a ailleurs. Voici donc Killdozer par KDG. Et voilà, c'est un deuxième blanc à l'antenne de Campus 106,6. On revient au bon vieux temps de la radio pirate, quand on n'avait pas peur de mettre des vides pendant plusieurs minutes, des fois, parce que il fallait bien aller boire un coup. D'ailleurs, vous savez, il y a de la bière là-bas. Qui nous passe quelque chose maintenant dans Pyongyang City Rockers, vu qu'il est déjà 20h30 ? Moi, je vais bien passer un petit truc. Ouais. Je vous parlais de... Vas-y. Avant de perdre sa voix. Ah oui, non, ça va. Oui, ça va. j'ai passé Trait d'Union, c'est un projet solo toulousain de Soundpunk Cold Wave. J'en avais déjà parlé ici il y a quelques temps. Il y a un nouvel album qui est sorti qui s'appelle Il n'y a pas d'ailleurs, qui est sorti au mois de décembre. Il est disponible en LP, cassette et CD chez Frozen Records. L'album il a été enregistré entre Toulouse et Berlin. C'est toujours pas trop la joie chez Trait d'Union, ouais. mais c'est sympa quand même. Et on va écouter le morceau « Hélas ». C'est pas comme si c'était... Finitos, vous écoutez Pyongyang City Rockers, numéro 417. Et nous avons devant nous quelqu'un qui n'a pas sa gueule devant un micro. Bonjour Stéphane. Bah ouais, faut que je monte le micro du coup, ouais, c'est bon. Et puis c'est parti, ça va ? One, two, one, two, c'est bon, ouais, on est bon là ? Ouais, ouais, on est un peu fort. Ah, tu vois, je parle pas fort pour les balances, ouais. Puis après je vais hurler, je vais rentrer dans le rouge. Trop bien, vif. On dirait Audrey. Ouais. Audrey. Une grosse voix, Audrey, tu trouves, elle l'a eu, oui, ici. Enfin, ouais, d'accord. Ouais. Bon, alors, qu'est-ce qui t'amène ici, à part le fait de m'amener, moi, en voiture ? Bah, déjà. Donc, quand on m'invite, j'ai une tendance à pas toujours accepter, mais à un moment donné, quand je trouve les choses sympas, j'y vais quand même. En plus, il y avait de l'alcool. Ouais, voilà. Et comme tu connais mon admiration pour l'alcool, voilà, je suis venu. Sa vie, son œuvre, ouais. C'est bon, je peux y aller. Non, alors, on organise avec la Prod des Astres, qui est l'association Astroïde, en marge d'Astroïde. Je me suis décidé à réorganiser des concerts. Alors, on en a fait il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années, au Rockline, pour la petite histoire, à Lille. Oh, ouais, ça ne nous rajeunit pas. Hein. Alors, pas la Prod des Astres, bien évidemment, qui existe depuis 3 ans. C'était Paddington Productions. C'était Paddington Productions, ouais, tout à fait. Ouais. Et puis, voilà, je me suis dit, tiens, pourquoi pas réorganiser des choses. Donc, je le fais. Et je suis venu juste annoncer deux dates. Voilà, ça va être assez simple. Donc elles sont lilloises. Donc la Prod des Astres organise le au mois de. Tu vois, sors ton téléphone. Le 20 février à la Griffe avec un groupe qui s'appelle La Truc. La Truc avec deux chanteuses, un guitariste, un bassiste, un batteur, dont Angela. Et Magali au chant, Magali qui chante la dans Magali. L'Attraction, ouais, toujours, d'accord, d'ailleurs, je pense. Et Angela qui est dans Julie Colère, donc des groupes voilà, qui ont leur petit nom dans le milieu, punk rock, Frenchie. Donc c'est cool. Et il y a Astroïde qui va jouer aussi ce soir-là. Et il y a autre chose, mais ah si, ça y est, ouais, depuis la semaine dernière, depuis quelques jours, il y aura. Non, mais c'est tout est-ce récent. Que tu, est-ce que tu aurais bu de la Pédieu ? Déjà, je m'en branle un peu. Non, c'est pas la bière. Non, c'est vraiment. Je suis un peu nul sur la mémoire des dates, tout ça. Mais regarde, j'y arrive quand même, sans papier. Il y aura l'Archoum qui va. Le retour de l'Archoum. Le retour de l'Archoum, voilà. Donc c'est un peu comme ça que c'est annoncé. Donc une soirée qui se veut sympa, à la Griffe, donc à Lille. Est-ce qu'il y aura de l'Archoumette ? Je pense pas, je Parce sais a, pas. Il y a eu une époque où il y avait des Larchoumettes avec Larchouma. Ouais, c'est vrai. Mais il est prêt à tout, hein, après. Il est plein de surprises, le Larchouma. Attention. Donc. En même temps, de ne pas savoir, c'est bien aussi. Il est fait donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du rap de punk. Ouais, moi j'aime bien dire que c'est. C'est du rap de rocker. Ouais, un peu pareil. Ouais. un punk rock, machin. Je ne sais plus où j'en suis là-dessus. Donc. L'autre date. Mais non, je suis pas pété, arrête de dire que je suis pété, j'ai vu trois fois. J'ai fait le signe. Ça va. Parce qu'il y a cette incohérence que je raconte et un problème. Non, c'est bien, vas-y. Les gens nous écoutent et ils boivent tes paroles. T'es un campus, ça va. T'es pas, je sais pas, t'es où France Inter. Ils ont dit que c'était la meilleure radio de France, la plus écoutée là, depuis ce matin. Là, ça y est, les stats sont corrects. Radio Campus, oui, bien sûr. Ouais. Vendredi 13 mars au CCL, on organise une autre date avec la Prod des Astres. Et là, c'est une date assez, assez forte à mes yeux parce que c'est avec Psycho Squat. Putain, mais alors là, vraiment, tu nous déterres des trucs. Ça, hein. Je déterre rien. C'est pas moi qui est allé les chercher. Attends. C'est juste, j'ai vu, on a discuté, je connais des gens, on m'a dit tiens, Laurent, pourquoi pas. C'est une des premières nouveautés que j'ai passées dans Écrasons la Vermine quand je commençais ELV en 87. Ah bah oui, c'est pas récent. Pense. Hein. Ouais, voilà. On est plus près du cimetière que du berceau. Se connaît pas trop, on a un peu échangé par mail tout ça, mais pas plus. Après voilà, il y a une histoire derrière ce groupe qui est d'un autre temps, donc avec d'autres pratiques musicales, donc on est un peu sur du punk rock un peu, mais c'est original. Alors j'étais pas trop Psycho Squad pour être honnête à l'époque, ça me touchait pas plus. Mais là j'ai réécouté par contre dernièrement, ils ont pris des virages et techniquement ça joue pas mal, on peut s'en branler un peu. Mais surtout voilà, il y a une originalité qui m'a plu, ça m'a touché. Voilà, et quand les émotions parlent, ça parle. Ouais. Tu sais, on va tous y aller. Hein. Alors là, on se rue déjà pour prendre des places en présentation. Moi je peux vendre des télés à des aveugles. C'est bien. Eh ben tu vendras du punk rock à des hardcoreux alors. Psycho Squat, Astroïde, toujours, hein, je profite toujours d'incruster le groupe. On nous appelle pas, donc j'organise moi-même, hein, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. C'est le do it yourself. Et y aura certainement un autre groupe, parce que je pense qu'il y a toujours une place pour un troisième groupe dans une soirée. Et ça risque d'être, je l'avance un petit peu parce que c'est quasi fait, les Stop Giving Power, c'est-à-dire un groupe d'Amiens qui font du punk rock, c'est un peu un mélange de fusion un peu de tout, avec Lolo, le chanteur, qui est dans le milieu depuis une trentaine d'années, on se croise. Ah, le fameux qui passe des disques, là. Ouais, ouais, qui est aussi DJ El Padrino, qui nous a animé la nuit du vendredi au samedi dernier jusqu'à 6h du matin, enfin 3h30, 4h, mais on s'est couché tout à 6h. Tout ça, c'est copinage et compagnie. Ouais, bah, attends, ça, c'est une histoire de camaraderie, hein, le punk, hein, j'arrête pas de le dire, ça fait 30 ans que c'est mon discours, et je le changerai pas aujourd'hui, parce que ça s'est quand même bien avéré avec les années, et voilà. J'ai fini. Merci monsieur. Bah tu repasseras de toute façon pour passer des disques et puis tout ça. Ouais. Et tu ramèneras une petite pédieu. Attends, ça revient. Ouais. J'aimerais le prochain Ekimos, c'est des copains de Chaumont que je kiffe à mort humainement. Et en plus j'aime bien leur musique, donc voilà, ils sont en train de créer un nouvel album et j'ai participé un peu au cœur. Et peut-être que d'ici là, on aura un créneau qui fera une heure et demie, voire deux heures, et là, on pourra inviter encore plus de gens. Il y a du monde qui pourra passer, tout ça. Américain, quoi. Oui, non, l'impérialisme pyongyangien. en la personne de Henry. Yes, qui va parler d'un truc américain, d'ailleurs. De Kaleidoscope, avec leur disque Cities of Fear. Bon, alors, il y a des membres de Tower 7 et Strowman Army. Donc, Strowman Army, c'est déjà un peu plus connu, peut-être, que Tower 7, mais. Vous avez aussi entendu parler de Tower 7 dans Réveil Forcé, décidément. Ouais. Bref, c'est des gens qui gèrent le label D4MT Labs, donc ça a été enregistré là-bas. Et en Europe, c'est une fois de plus distribué par les rois de la hype, La Vida Es Un Mus. Bon, à croire que je casse souvent trop du succès cher, en deux, ami. Mais finalement, j'aime bien ces disques. Hein. Ah ouais. Bref, Cities of Fear. Ça coûte la peau des fesses. Ouais, ouais, plutôt. Franchement, puis c'est en livre, c'est ça le problème. Ouais. C'est que c'est pas la même monnaie, bref. Cities of Fear, premier album du groupe Kaleidoscope, pas de tube, tous les morceaux se valent, donc peut-être que des tubes, vous en jugerez, c'est purement influencé par les années 80, enfin on va dire même 81, Iconoclast et le peace-punk américain, on n'est pas sur le Discharge, Iconoclast, ouais. On est plus sur du punk 77, du coup avec un peu de retard par les États-Unis, bref, le tout dans un emballage bien hardcoreisant, je peux vous évidemment que vous recommandez d'écouter tout le disque, je l'ai déjà dit à 30 secondes, mais c'est un disque qui plaira autant aux fans de Tower 7 que de Strowman Army. C'est compliqué de choisir un morceau, mais Medium oblige, on va se passer le plus radiophonique, toujours sur le 106.6 MHz, White Idols de Kaleidoscope. ça est fini, les 20h45 à l'antenne de Campus 106,6, on se moque de moi derrière les micros, je vous vois. T'es encore là, Marius, pour nous présenter quelque chose qui va avoir lieu ce samedi au CCL. Ouais, du coup, au CCL, après mes soirs, va y avoir... une soirée, mais du coup après-midi aussi, en soutien au collectif Entraide Afghanistan, qui est un collectif impulsé du coup par une personne afghane lilloise, qui vient en aide, enfin qui répond à des demandes d'aide directe de personnes queer afghanes en Afghanistan, que ce soit des demandes juridiques, de conseils ou financières. Et là, le but de la soirée, c'est qu'on ait toutes les thunes qu'il faut pour apporter l'aide financière qui est demandée. C'est co-organisé du coup par Entraide Afghanistan, l'ATIR qui est un collectif PD lillois et Résiste qui est un collectif trans basé sur l'île aussi qui organise notamment des trucs de RDR communautaire un peu à côté de ça. On va commencer hyper sage l'après-midi et puis on... Sage ? Un salon de thé, c'est pas sage ? Bah, un petit peu, ça dépend ce qu'on met dans le thé. En tout cas, on commence très tranquille avec salon de thé, concert de cordes avec un violon et alto. Les cordes bouclées, ça s'appelle. Ouais. Et puis des lectures d'histoire. Je vais fermer la porte parce qu'ils sont en train de crier là, dans le hall, c'est pas possible. Ouais. Du coup, lecture d'un recueil qui s'appelle Altfem. Et puis après, il y a Grand Bingo des Coutines. En fait, Altfem, c'est une série de recueils, apparemment. Ouais. J'ai regardé. Tu fais mieux ton travail que moi. C'est le métier, ça. Ouais. Après, il y a un bingo. Là, comme ça, sur le papier, je me suis dit, bingo, pourquoi pas, mais c'est pas non plus le truc pour lequel je me déplaçais. Après, quand je sais ce qui a été fait dans les dernières soirées de soutien de la TIR, il y a moyen que ce soit super drôle. J'ai pas pu aller à la dernière et je l'ai vraiment regretté parce qu'il y avait des ventes aux enchères animées par une domina. Où ils vendaient vraiment n'importe quel objet et adjugé vendu était fait par des coups de cravache et visiblement absolument tout le monde s'est éclaté. Bon. Du coup, il y a moyen que ce soit pas un bingo classique d'EHPAD, quoi. Ok. Et pour les survivants, après, à partir de 19h. Voilà, et à partir de 19h, on descend dans la cave et là, on enchaîne avec deux concerts et deux DJ sets. Vas-y, je t'en prie. Ouais, du coup. T'as l'air de maîtriser. J'ai surtout le texte sous les yeux. Ouais, non, mais il faut pas le dire, ça. Je dis ouais, pas de problème. Du coup, il y a Soul of Bear, techno queer explicite à domicile. King Baxter, qui est du post-punk électro doomed pop de Bruxelles. Et après, en DJ set, on a Radical. Queer Beat et Club, Péreo et Dark Wave. Bien connu. Les deux sont de Lille aussi en DJ. Et Brad for Leashes, New Beat, Indus et Body Music. Voilà. Il y a de quoi s'occuper jusqu'à 1h du mat. Et toutes les infos. Je connais infos pas Brad for Leashes, je sais pas, c'est quelqu'un du coin ça ou c'est aussi quelqu'un de Lille, ouais. Ah d'accord, ok. Bon. Ah, c'est tout, hein. Là. Il y aura qu'à y aller. Il y a toutes les infos qu'il faut sur le site de la TIR. Ouais. Et voilà. Voilà. Et donc, on répète, l'après-midi commence à 15h au CCL, au rez-de-chaussée. Et ensuite, à partir de 19h, on descend à la cave pour les concerts. Et DJ7, ne pas oublier de rapporter des vêtements chauds si jamais la température redégringole. Là, actuellement, ça pourrait aller, quoique. Et puis aussi, il faut ramener des sous, hein, vu que c'est quand même une soirée en soutien. Eh bien, on va donc pouvoir écouter un titre de un de mes groupes fétiches et qui, justement, va passer ce samedi au CCL, Soul of Berk. On va écouter le début de « On va parler de l'anxiété ». Je pense pas qu'on va passer tout parce que ça dure 7 minutes et ça va être compliqué. Donc voici Soul of Berk. Je sais pas vous, mais moi quand je suis anxieux, j'ai mal aux dents. J'ai les mâchoires qui serrent tellement fort que j'ai mal aux dents. J'ai les mâchoires qui serrent beaucoup trop fort et j'ai mal aux dents. Quand je suis anxieuse, j'ai besoin de marcher vite et longtemps. Et j'ai des œillères, comme avec l'adrénaline, elle monte vitesse comme ça sur le déco. Là tu vois tout, mais tu vois rien. Tu vois tout, mais tu vois rien. Quand je suis anxieuse, j'ai besoin de mettre du gros son dans mes oreilles. Du gros boum boum de teuf, bien trop fort pour mes oreilles. J'ai mal aux oreilles, et pourtant j'entends rien. J'entends tout, mais j'entends rien. Parfois, mettre du son aussi bourrin et aussi fort, ça permet de faire redescendre mon corps. Parce que malheureusement, quand mon corps est anxieux, j'ai le cerveau qui se fait à faire des tourbillons de merde. Ça tourne et ça tourne et ça tourne jusqu'au plus profond de ton merde. Et quand t'arrives au bout, tu te sens encore plus de la merde. Encore plus merdique que l'ensemble de la merde que ton cerveau vient de faire tourner. J'ai le diaphragme qui est quasiment aux amygdales. J'ai un putain de pic à glace dans le cœur et dans le crâne. J'ai les mâchoires qui serrent, qui serrent, qui serrent. Beaucoup trop fort et j'ai mal aux dents. On va parler de ça. On va parler de l'anxiété. On va parler de l'anxiété. On va parler de ça. On va parler de l'anxiété. On va parler de ça. Gorge. Plus un son ne sort, comme un trou dans le crâne. L'ensemble creux, comme l'impression d'imploser. Ce besoin d'exploser, comme l'impression d'imploser. Ce besoin d'exploser, comme une lame dans le plexus. Ma respiration brûle comme une lame au fond du cœur. L'ensemble crève comme l'impression d'imploser. Ce besoin d'exploser comme l'impression d'imploser. Ce besoin d'exploser. Tiens, on n'a pas toujours été une personne anxieuse, hein. Puis en vrai, on est plein à pas avoir toujours été des personnes anxieuses, en fait. Parce que l'anxiété, c'est pas inné. L'anxiété, c'est pas inné, donc ce n'est pas une fatalité. L'anxiété n'est pas une fatalité. Elle est le résultat. Elle est ce qui résurge de tout ce que t'avales du monde, de tout ce que tu digères, et de tout ce qui reste coincé. L'anxiété se crée de ce qui est coincé. Donc elle n'est pas une fatalité, mais un stigmate. L'anxiété est un stigmate. Alors c'est un stigmate pour tout le monde, hein, c'est vrai, mais on ne peut pas dire que tout le monde perçoit le même nombre de choses, ni au même degré d'intensité. Parfois j'aimerais tellement que l'entièreté des gens sur cette terre prenne conscience, 5 secondes, juste 5 secondes, de la quantité de choses qu'on avale. Et j'aimerais qu'elles ressentent 5 secondes, juste 5 secondes, l'intensité avec laquelle on avale, ravale, ravale et ravale encore. En tant que personne roi, en tant que personne queer et intersexe, et en tant que personne pauvre. Parfois je me dis que ce monde mériterait qu'on foute un bordel aussi fort que ce qui nous ronge. Ce monde mériterait qu'on foute un bordel aussi fort que ce qui nous ronge. Ce monde mérite qu'on foute un bordel aussi fort que ce qui nous ronge. Allez, c'est l'heure de la purge. On va pas tout passer de sous la verse. Je promets qu'une prochaine fois, on passera les 7 minutes 12 en entier. Mais là, vraiment, on n'a plus trop le temps. Il est 20h54 minutes et c'est à quelqu'un. Allez, bah, je vais passer un petit morceau de Asylum 343. C'est un projet solo dans des membres de Short Days, Utopie, Gutter et encore plein d'autres groupes. C'est quoi ce numéro 443 343, c'est ouais. Comme les 343 salopes. Oh. Qui ont signé pour l'avortement, okay. Et tout. Ça va. Et du coup, on a déjà entendu un morceau de Asylum 343 sur la compile lilloise En marche encore sous la pluie. Et là, il y a une démo avec quatre nouveaux morceaux qui sont sortis, qui s'appellent Violence, Défiance et Dépendance volume 1. C'est sorti fin décembre sur Bandcamp et ça va bientôt sortir en cassette chez Lada et TSH. Et on écoute tout de suite Banlieusard. Entouré de violence, on s'abat depuis l'enfance. Rottweiler du bazar, qui me saute au visage. Ils avaient même un singe, sous le taré bien sauvage. Des cailloux dans les fenêtres, balayettes au proc. Vénère depuis le CP, toujours dans le rapport de force. Passons à chaque régression d'être troué d'en casser. Grand frère à la sortie, tu balises toute la journée. On dévalisait, chopie du quartier. Quand on se faisait griller, bah t'inquiète pas qu'on y est. On faisait des foot à 36 dans les jambes que ça shoot. À la moindre frustration, c'était des poids dans la poche. Banlieusards, t'es des banlieusards. Un petit biche, tu es pour avec ta mère. On était dans la même école et ma mère connaissait sa mère. Y'a rien de normal, y'a tout de tragique. Quartier banal, violence classique. Les gitans tous les ans prenaient d'un seul terrain vague. Des menaces au couteau juste pour une mauvaise blague. Manque déjà du guerre, un cher et je me couche. Manque de vocabulaire, mais des sales mots dans la poche. Banlieusard, banlieusard, banlieusard, t'es des banlieusards. Banlieusard, Ah bah oui, voilà, c'est déjà la fin de Pyongyang City Rockers 417. En ce moment, on écoute un hommage à Lemmy, la vie sans Lemmy, Vremya Bezlemmy, par Neurodubel. Eux aussi sont morts, hein, Neurodubel. Donc voilà, quoi, tout le monde est mort. Sauf, il n'y a que nous qui sommes vivants, en fait. Incroyable. on se retrouve la semaine prochaine pour le 418e numéro de Pyongyang City Rockers où on aura Elia et peut-être d'autres gens de chez GZL Vénère qui viendront nous expliquer ce qu'elles et ils le font actuellement truc. Voilà. Sinon, vous continuez d'écouter les émissions de Radio Campus et puis on n'oublie pas Akab. Eh oui, bien.